Chapitre 16e. Un coup de sifflet retentit. Un des deux Chinois qui surveillait le prisonnier se pencha sur lui et le chargea sur son dos. Ikuteruka fut remonté sur le pont. C'était grand jour. La clarté ardente du soleil fit cligner ses yeux. Il vit que la jonque était immobile le long de la berge d'un large fleuve aux eaux boueuses, en face d'une haute maison dont le toit de tuiles vernissées, aux pointes recourbées, était surmonté de deux énormes dragons de faïence verte. Le capitaine Bork vint s'assurer que les liens du prisonnier étaient intacts et bien serrés. Satisfait, il donna l'ordre de déposer le captif sur le pont. Ikuteruka, croyant qu'il rêvait, entendit soudain une cacophonie sauvage qui se rapprochait avec rapidité. Malgré sa faiblesse, il parvint à lever la tête et aperçut, sur le quai, une cinquantaine de Chinois vêtus de robes vertes qui se dirigeaient vers le Yue. Ils étaient munis de trompettes, de claquettes, de grosses caisses, de tambours, de cymbales, de cloches qu'ils frappaient, agitaient, secouaient avec fureur. Devant eux, trois nains dansaient, et une foule nombreuse, massée le long de la berge, mêlait ses cris et ses clameurs au fracas de cet orchestre extraordinaire. Les musiciens, arrivés en face de la jonque, se séparèrent en deux groupes qui se placèrent devant le petit navire. Ils se turent brusquement, et un silence absolu régna. Ikuteruka entendit derrière lui des piétinements. Il se retourna, juste à temps pour voir passer deux des matelots de la jonque qui portaient sur leurs épaules une grosse poutre de bambou laquée de rouge. Un hamac était suspendu à cette poutre. Dans ce hamac, le mystérieux Asiatique voilé se prélassait en s'éventant à l'aide d'un écran en plumes de paon. Les porteurs, avançant lentement, franchirent la planche qui avait été établie entre la jonque et la berge. Ils passèrent entre les deux groupes de musiciens qui firent de nouveau retentir l'air d'un vacarme sauvage. Ikuteruka, suivant le palanquin des yeux, le vit qui se dirigeait vers le large escalier de marbre noir creusé dans le massif de maçonnerie sur lequel était construite la maison au toit recourbé. Il disparut derrière une haute porte d'ébène. « Il n'y a plus qu'à licencier les hommes, mon pauvre Ling, » fit le capitaine Bork, en se tournant vers le gigantesque Mandchou qui, quelques heures auparavant, avait lavé le visage d'Ikuteruka. Plus rien à faire à Macao maintenant. Qui sait quand nous repartirons? Je crois que nous allons rester ici bien longtemps. D'autant plus que si, comme je le crains, ces chiens de Portugais ont repéré le Yue, ils vont le signaler partout. Il faudra le repeindre et changer son nom. Oh, capitaine Bork, il y a encore à faire dans la rivière des Perles et ailleurs, observa le géant jaune. Peut-être, mais les ordres sont les ordres. Il faut que dans une heure, tout le monde soit à terre. Tu resteras à bord. Après ce qui est arrivé, le maître veut que tout l'équipage soit changé. Il y a peut-être des traîtres. Il n'y a qu'à obéir. Il n'y a qu'à obéir, répéta le Mandchou. Bork se retourna vers l'avant de la jonque où les matelots étaient occupés à laver des cordages. Il leur cria un ordre. Deux d'entre eux arrivèrent en courant. Ils saisirent Ikuteruka par les pieds et par les épaules, et derrière Bork, traversèrent la planche reliant le Yue à la rive. En quelques pas, ils eurent atteint une petite porte ronde percée à la base du massif de maçonnerie soutenant le palais au toit recourbé. Bork siffla. Le battant s'ouvrit lentement. Il donnait sur un étroit couloir voûté dans lequel Bork et les hommes qui portaient le prisonnier s'engagèrent.